Micro ouvert. J'ai un micro en main, en fait le micro ne marche pas. Donc, enfin si, il marche, il enregistre parce qu'on est en Twitch live sur la chaîne de Wissam Selka qui va enregistrer en live et rediffuser après donc, la discussion. Donc pour toutes les personnes qui sont encore dehors ou toutes les personnes qui n'ont pas réussi à venir, n'hésitez pas à prendre le lien et à le repartager. Dans tous les cas, il faut le repartager. Et on est très content, donc c'est la librairie Météor, on est très content de vous accueillir tous ici. On est bien sûr très content, encore plus content, je suis désolé, d'accueillir Auria Boutelja et Louisa Yousfi autour de son dernier livre « Restez barbare ». Et cette rencontre a lieu à l'initiative de Bruxelles Panthère, avec Mouad notamment, qui va représenter Bruxelles Panthère ce soir pour la présentation. Et Bruxelles Panthère est un, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un groupe militant, décolonial, antiraciste politique et qui fait du super travail depuis une dizaine d'années maintenant à Bruxelles. En tout cas depuis une dizaine d'années à Bruxelles et en Belgique de manière plus générale. Et on est aussi super heureux d'avoir été accueillis par le Piano Cocktail, qui est un lieu extraordinaire dans les Marolles, qui survit à tout et qui nous permet dans ce genre de moment d'accueillir plus de monde que dans notre petit local en bas, parce que là je crois que ça a été un peu compliqué quand même pour ceux qui connaissent aussi, et qui font un super travail, qui font plein d'activités, et je tiens à dire que c'est aussi un espace autogéré, ce qui est pas mal de nos jours. Je vais assez vite laisser la boîte. Donc ce soir on reçoit Louisa Yousfi pour son dernier livre écrit à la fabrique Restez barbare. Auria Boutelja qui avait déjà écrit Les Blancs, les Juifs et nous, qui est un livre qui est une grosse claque pour nous qu'on défend à mort, et qui est aussi une fondatrice avec Cédric Carry, les Indigènes de la République en France, qui, comme vous le savez, ont été très très malmenés, c'est un faible mot, ces dernières années, et qui restent au front, et comme on peut le voir peut-être ce soir, à mon avis, les idées percent, et donc pour ça, grande dignité. Et je crois que je veux juste dire un tout petit mot donc, du coup, sur le bouquin avant de commencer. Je crois que déjà, c'est un livre qui est très important, à mon avis, dans la charge politique qu'il donne à la transmission. Parce que la modernité, telle qu'on la connaît, la modernité aujourd'hui capitaliste, les fondements de la modernisation, essaie de nous faire croire qu'on pourrait les individus qui sortent d'une table rase, où il n'y aurait rien derrière nous. Alors que là, ce sont des histoires coloniales et postcoloniales, des immigrations coloniales et postcoloniales qui arrivent au milieu de l'Empire, comme tu l'appelles, comme vous l'appelez, au milieu de l'Empire blanc, et à qui on refuse cette transmission. Transmission à la famille, à la communauté, aux origines. Mais alors, ce que fait Rester barbare, c'est que la figure du barbare ne vient pas rejouer un mythe des origines tel que aussi la tradition occidentale aime bien le faire jouer pour écraser tout sur le côté. Non, elle vient faire jouer une transmission qui est en fait rétrospective et qui permet de se reconstruire justement pour résister à ce que nous devenons, à ce que les indigènes deviennent, à ce que les personnes qui sont issues des marges de l'Empire deviennent, intégrées par l'Empire, et comment est-ce qu'elles sont au fur et à mesure homogénéisées. Et je crois que qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que Rester barbare aussi, c'est une figure super importante, et pourquoi tu as réussi à traiter par là, par les affects? Et c'est pour ça que tu es passé notamment, à mon avis, vous en reparlerez certainement, par une figure littéraire et sensible, parce que c'est un truc qui n'est pas juste d'une réflexion consciente, qui est aussi un trope qui, en fait, veut nous faire une table rase. C'est dans les affects, et alors là, j'aimerais juste parler de... C'est un truc qui paraît trivial, mais qui, pour moi, est assez fondamental. Un jour, sur Facebook, tu as posté quelqu'un qui postait une photo de loubia. Donc, loubia, c'est une soupe de haricots blancs avec parfois des bouts de viande. En Turquie, par exemple, c'est les fassouliers. Et la personne a dit, rester barbare, c'est ça. Ça paraît trivial, mais je crois qu'on est au cœur du problème. Je crois qu'on est au cœur de la figure du barbare. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai. Je crois que quand... Et je crois que qui peut comprendre ça, comprend ce qu'il y a de sensible dans ce que vous essayez de montrer, de mettre en place. Voilà, je vous laisse la parole et merci encore. Pardon. Avec tout le monde. S'il y en a qui sont connectés au Wi-Fi du Piano Cocktail, hormis l'équipe, hein, bien sûr, est-ce que vous pouvez vous déconnecter? Parce qu'en fait, pour la diffusion sur Twitch, en fait, c'est très handicapant. Voilà. Si vous pouvez le faire, merci à vous. Et bonne soirée. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes très, très nombreux et nombreuses. Faut que je parle plus fort. Ok, donc moi c'est Mohamed Regif, comme il m'a présenté, je suis membre, je suis cofondateur de Bruxelles Panthère. Je suis très honoré de recevoir mes sœurs, Ouria et Louisa, ici à Bruxelles. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot sur... D'abord, je voudrais dire que j'apprécie beaucoup que ce soit un lieu autogéré, que je découvre, parce que c'est une des caractéristiques primordiales de l'antiracisme politique et décolonial, c'est l'autonomie aussi, et donc ça c'est un point commun avec nous. Encore un petit mot pour les Français qui connaissent peut-être pas le quartier, on est dans les Marolles, c'est un très vieux quartier de Bruxelles, c'est la capitale de la capitale, et ça, c'est un lieu de lutte aussi historiquement, beaucoup de luttes se sont déroulées ici. Et puis ça a aussi la particularité d'avoir vu naître des tonnes et des tonnes d'indigènes juste ici, à quelques mètres. On est né ici à l'hôpital Saint-Pierre. On est vraiment beaucoup à être né là. Voilà, je voulais ajouter ça sur le quartier, le lieu où on est. Alors le livre de Louisa, comme rarement, comme je crois une seule fois avant avec le livre de Ouria, c'est un livre que j'ai lu... en ayant l'impression que j'aurais pu l'écrire, mais voilà, tout ce que je pense est dedans. Il est question ici de rester barbare. Alors on va le parcourir ensemble. Je ne vais pas faire un travail de libraire ou de critique littéraire. Je vais faire un travail de militant qui discute avec ses sœurs militantes décoloniales. Donc ce sera peut-être un petit peu différent de ce que vous avez peut-être vu et entendu jusqu'ici. Je vais commencer par l'introduction, puis je vais parcourir des passages, et puis je leur donnerai la parole à Louisa principalement pour rebondir dessus et nous en dire plus. Alors, je vais commencer par l'introduction. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. Cet énoncé de Kateb Yassin, Louisa Yousfi l'entend comme une formule magique, à la fois mot d'ordre esthétique et fable politique. Elle permet de convoquer ensemble Chester Himes, Toni Morrison, Booba, PNL et toute une cohorte ensauvagée à l'assaut de l'Empire. Donc, comme j'ai dit, rester barbare, ça commence par le premier chapitre, donc une espèce de barbarie. Ça ne l'explique pas vraiment, ça la décrit, ça la contourne, ça la... Ça lui fait dire des choses, mais ça ne la définit pas. Alors là, je vais citer Louisa dans le texte. C'est une stratégie vieille comme l'oppression, le retournement du stigmate. Et si cette stratégie avait une devise, elle s'annoncerait ainsi. Oui, et alors ? Là aussi, c'est une formule magique. Barbare, oui, et alors ? En dépit de l'évidence de ce « oui », ce « oui » ne valide rien. Il s'amuse, il rigole comme un gamin insolent qui maîtrise l'art d'agacer. Quand il a fini de rire, il regarde l'accusateur au fond des yeux et achève « Et alors ?» C'est le contraire de ce que nous disons d'habitude en tant qu'intégrés, qui est « Non, même pas vrai », une défense de gamin sans ruse. Ici, moi j'ajouterais « Oui, et alors ?» J'entends derrière « Oui, et alors ?» En quoi ce serait une circonstance qui serait a priori... aggravante ou criminalisante, plus que pour n'importe quel être humain normal, c'est-à-dire blanc. Je vais te laisser réagir, mais avant ça, je vais arriver à un endroit qui, en fait, rejoint un point d'actualité inévitable. C'est que tu parles... tu fais tout un développement... en parlant de nous, qui essayons de nous montrer beau, etc., et puis en arrivant à la question, mais ces gens qui disent qu'on est beau ou pas, que sont-ils ? Sont-ils eux-mêmes en position de juger qui que ce soit et de hiérarchiser les êtres humains entre eux ? Et on se pose des questions qui peuvent paraître scandaleuses, par exemple, là ça rejoint l'actualité de l'Ukraine, tu dis, c'est comme imaginer... des corps d'enfants blancs échoués sur les plages méditerranéennes. Encore un retournement qui déshabille le monde. Voilà, je vais te laisser rebondir sur tout ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation aux organisateurs. Merci Mohamed. Bruxelles Panthers, qui sont des partenaires de lutte, des frères de lutte. depuis des années du Parti des Indiens de la République. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux. C'est très impressionnant. Alors, c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Alors, il y a plein de trucs qui me sont apparus. Je vais en sélectionner une en particulier parce que, du coup, je profite de l'occasion du fait que je sois ici invitée auprès d'Auria Boutelja pour dire que ce fameux « et alors », en fait, il m'est venu, cette devise, que je dis que c'est la devise du Restez Barbare, donc, pour les raisons que tu viens d'énoncer, parce que c'est une position de rupture, en fait, radicale. Et en fait, cette formule, elle m'est apparue, elle n'est pas tombée du ciel. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as prononcée la première fois. Tu t'en souviens pas? Bah oui, mais moi, mais en fait, c'est drôle, parce que quand on écrit, on oublie pourquoi les choses... Enfin, on croit que les choses sont en nous, mais en fait... Et après, ça réapparaît plus tard. On se dit, mais en fait, c'est pour ça que... Voilà. Et donc là, ça m'est venu, là, tout de suite, c'est que je me souviens que cette expression, je la tiens parce que tu avais été invité à une émission de Tadei face à Guénolé, la fameuse émission. La fameuse, ouais. De Thomas Guénolé, qui, du coup, t'a pris à partie en citant des passages de ton livre. Donc, il disait des trucs genre. Donc, en gros, vous êtes. Je sais pas, c'était toutes les plaies de l'humanité, quoi. Antisémite, raciste anti-blanc, homophobe, etc. Et il te cite, donc il lit un passage du livre, et à ce moment-là, toi, tu réponds « Oui, alors ?» Et lui, il est là, il te cite et te dit « Mais donc, vous avez bien écrit ça ?» Et tu réponds ça « Oui, et alors ?» Et tu exploses de rire. Et là, et tu rigoles. Et c'était la meilleure réponse, en fait. Qu'il y avait, je veux dire, il n'y avait pas d'autre façon de répondre dignement à ce qui venait d'être... de t'être opposé. Et en fait, ce que ça a créé dans la réaction de Thomas Guénolé, mais dans le plateau, en règle générale, c'est qu'il y a un trouble qui a été jeté. Il y a une espèce de... Il y avait un flottement. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi elle ne se défend pas? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et oui, alors? Et du coup, pourquoi ça serait un motif de... Je veux dire, pourquoi elle ne se sent pas attaquée? Et pourquoi c'est... En fait, c'est... Ça a créé ce que je dis, c'est que les lois, en fait, étaient suspendues. Et donc, ça disait quelque chose d'assez inquiétant, en fait, hein, pour ceux qui étaient en face, qui était, en fait, nous, en fait, nous fonctionnons différemment. Nous répondons à d'autres lois qui ne sont pas évidentes pour vous, mais qui pour nous sont très claires, qui sont presque secrètes, en fait. Une autre grille de lecture, en fait. Une autre grille de lecture du monde que vous n'avez pas et qui fait que effectivement là, vous ne comprenez pas pourquoi on n'est pas offensé et on ne va pas se défendre de ce que vous avez imaginé être quelque chose d'infamant. Voilà, c'était une vraie position de rupture qui m'a semblé incarner quelque chose de plus large, qui est en fait la pensée décoloniale, qui est une pensée en rupture. Alors, en rupture avec quoi? Notamment avec un espèce de paradigme. Alors, hier, j'étais invitée à l'Université libre de Bruxelles. On m'a dit, mais c'est pas un paradigme, en fait, c'est un récit. Bon, la preuve. Non, mais c'est subtil. Mais j'avais compris au moment où il me le disait, et c'était très juste. Mais je ne saurais plus faire la distinction entre paradigme et récit. Mais c'est le paradigme. Bon, moi, je redis paradigme parce que, voilà, c'est le mot. Le paradigme intégrationniste, en fait. Donc, qui consiste à penser que le seul horizon salutaire pour les Noirs et les Arabes, en gros, en France, c'est de s'intégrer dans ce système qui, par ailleurs, est un système qui est fondé sur le mépris de ce que nous sommes. Et donc, il y a une espèce de contradiction, d'impasse existentielle, d'impasse fondamentale, qui fait que pour s'intégrer, que donc pour exister dans ce monde, il faut cesser d'exister. En fait, il faut se nier, en fait. Pour s'affirmer, il faut se nier. Donc il y a ce truc qui est une situation impossible, en fait, qui crée des choses, qui n'est pas sans effet sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons, et qui fait que, ce que je dis, c'est que c'est à la fois... C'est quelque chose qui fait de la barbarie, en fait... une espèce de mot bascule. C'est un mot qui, à la fois, a son aspect noir, c'est-à-dire c'est ce par quoi nous sommes abîmés dans une situation, une condition sociale qui nous rend fous, en fait, qui fait qu'on... Mais peut-être on va après aller un peu plus... Enfin, c'est parce que dit comme ça, c'est... Mais parce que je m'appuie sur des corpus et voilà. Et à la fois, c'est une figure de ce qui pourrait éventuellement nous sauver. Donc une figure de notre friche intérieure, c'est-à-dire une figure de ce qui n'a pas été atteint encore par l'Empire, de ce qui a résisté encore à l'intégration, à l'épreuve de l'intégration. Une figure de ce territoire où justement que l'Empire essaye à tout prix d'atteindre, en fait, de ce trésor, de ces derniers trésors qui nous resteraient, en fait, à protéger. Et alors, du coup, je rebondis aussi sur ton histoire de l'Ukraine. Mm-hmm. De blanc, de corps. Voilà. Mais du coup, il y a une actualité. Parce que, par exemple, sur l'Ukraine, sur les réfugiés, voilà, sur la manière dont on accueille ces réfugiés, et la manière dont l'empathie qui est suscitée par leur sort, bien sûr, l'empathie occidentale, l'empathie blanche, elle est exacerbée, mais en fait, elle est vécue par nous, les barbares, de manière absolument scandaleuse, parce que on sait qu'elle est réservée seulement aux réfugiés blancs, en fait. C'est-à-dire que... Et ça, vraiment, pour le dire très simplement, c'est un truc que j'ai là, en fait. Mais vraiment, je ne sais pas comment le dire. J'ai la rage. Je ne sais pas comment le dire non plus. C'est-à-dire que je suis arrivée... Non, mais par exemple, de manière très simplement, je suis arrivée hier à la gare de Bruxelles et que j'ai vu... c'est Nordine qui m'a montré ça. Un bureau d'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc un beau bureau, un truc vraiment fait pour eux, avec un beau panneau, avec écrit en ukrainien, pour qu'ils comprennent bien que c'est par là qu'il faut aller. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire que du coup, si on n'est pas ukrainien, si on arrive et qu'on vient d'Afrique, qu'on vient de Syrie, on ne va pas vous prendre en charge. Il faut être ukrainien pour être pris en charge. Il y a quelque chose d'absolument indécent, absolument incroyable, et en même temps pas du tout questionné. Ça veut dire que c'est tout à fait naturel. Il y a un truc un peu fou qui me semble important de... Je veux dire qu'il me semble rejoindre un peu ce que je dis avec cette notion de barbarie. Quand je dis que la barbarie, c'est aussi quelque chose de noir, ça veut dire qu'il peut nous abîmer. Parce que moi, je sens que ce genre d'histoire-là, moi, ça m'abîme. À l'intérieur de moi. Ça m'abîme au sens où, par exemple, l'Ukraine, j'ai presque envie de dire, mais tu sais quoi, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous de leur sort. Et c'est terrible de dire ça, parce que je veux dire, c'est terrible. C'est des innocents, c'est des populations civiles, c'est des femmes et des enfants. Mais ce traitement-là, de ce traitement de faveur, cette injustice, cette manière... Va faire que je vais m'abîmer. Et ça, c'était quelque chose que j'ai cherché à expliciter, à mettre à plat, notamment dans le chapitre sur le terrorisme, sur le 11 septembre, parce que c'est à peu près la même chose. Ouais. Voilà. Ce qui se passe en nous à ce moment-là, c'est dangereux pour nous-mêmes, en fait. Bon, D'une autre manière, voilà, par rapport au 11 septembre. Ouais. Voilà, mais du coup... comme je disais, comme c'est quelque chose, un point bascule, c'est à la fois ce qui peut nous faire de nous un être, par exemple, quelque chose, voilà, une personne très cynique, insensible au sort de ces gens. Et en même temps, je sens que si je réagis comme ça, c'est précisément parce que je ne suis pas complètement intégrée dans ce monde-là. Et donc, c'est-à-dire que je suis encore humaine, en fait. Et que je vois encore... Donc, c'est aussi l'endroit par lequel je reste complètement... Quelque chose est encore sauf en moi, dans mon âme, en fait. Mon âme est encore en vie. Donc, voilà. Et c'est ce truc qui est intéressant avec la figure du barbare. Et c'est aussi pour ça que c'est une figure littéraire, c'est parce que ça permet ça, ça permet de pouvoir contenir dans un même mot, dans un même mythe, dans un même récit, deux aspects qui ont l'air antinomiques, mais qui à la fois politiquement sont extrêmement fertiles. Voilà. Ok. Je vais rebondir là-dessus, peut-être pour le redire autrement et pour un tout petit peu compléter. On dit bien que ce traitement de faveur qui nous prend à la gorge, peut-être par notre côté barbare, il y a aussi en nous le fait qu'on trouve ce traitement idéal, en fait, et normal, et conforme aux règles d'accueil de migrants, de gens de réfugiés. Parce que le vocabulaire a changé aussi. De migrants, on est revenu à réfugiés. C'est un des nombreux événements qui a provoqué cette guerre dans ce champ-là. Et donc, il n'y a pas de problème avec la manière dont on reçoit ces gens. Le problème, c'est le message que ça nous renvoie à nous, Africains, Arabes, musulmans, Roms, descendants des populations et des migrations postcoloniales. Ça, c'est une manière de nous cracher à la gueule, quoi, et de manière flagrante et ouverte, et dans tous les domaines, quoi. Le transport, le logement, le revenu, le transfert de fonds, les télécommunications, une radio mise en place par la radio publique en ukrainien, le traitement différencié entre les Ukrainiens, entre les gens arrivés de la guerre en Ukraine, entre les humains arrivés de la guerre en Ukraine, qui étaient ukrainiens, blancs, et puis ceux qui étaient parfois là depuis des années, mais qui étaient noirs ou arabes, et qui n'ont pas été accueillis de la même manière. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça nous prend à la gorge. C'est d'abord parce que ça réveille en nous ce « je m'en fous », qui nous déshumanise un peu, qui nous fait ressembler en fait à ce qu'on fait avec tous les autres. Mais c'est surtout ce que ça nous dit de nous et de la manière dont on nous considère, quoi. Je pense qu'il y a une formule qui résume assez bien ça, c'est par rapport à un des personnages de Chester Himes, qui dit en fait... Ah ben c'est ce que tu voulais montrer. On va y arriver après, à Chester Himes. D'accord, non mais c'est juste la formule. Ouais, je t'en prie. C'est-à-dire que le chemin qui mène à sa révolte est le même que celui qui mène à sa ruine. Oui. Mais vas-y, je veux pas. Je vais beaucoup dire oui parce que je suis d'accord avec tout. Je vais beaucoup dire oui parce que je suis d'accord avec tout. Alors, une autre manière de voir cette barbarie, dans le fait qu'elle n'est pas vraiment définie, elle n'est pas détaillée, etc., c'est un feu, tu le dis aussi, c'est un feu intérieur. Et ce feu, je le vois... Je le vois un peu comme de l'uranium, en fait. C'est de la bombe, quoi. Ça peut être utilisé pour faire de l'électricité. Ça peut être utilisé pour faire Hiroshima. Ça peut finir en déchets. Et puis, quand c'est utilisé comme une arme, le fait de ne pas le définir complètement, ça nous donne de la puissance, en fait. Peut-être pas du pouvoir, mais ça nous donne de la puissance dans le sens où c'est une arme de dissuasion. Ou attention, il y a ce feu, quoi. Vous ne l'avez pas éteint. Et attention à ce que vous allez en faire, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette manière. Oui, en fait, ça rejoint quelque chose qui est en fait peut-être l'origine aussi du livre. C'est que moi, je me suis demandé comment on écrit sur nous, en fait. Comment on écrit sur nous. Sur nous, donc nous, c'est le nous post-colonial, sur les Noirs et les Arabes. Dans un monde se saisit de tout ce qu'on est comme d'une terre de prédation, en fait, comme de quelque chose qu'on va tout de suite pouvoir récupérer, dont on va pouvoir se saisir pour alimenter justement ce que j'appelle l'empire. Alors souvent on me demande c'est quoi l'empire, etc. L'Empire, en fait, c'est un décor. C'est le décor de mon théâtre, on va dire. Et je dis l'Empire parce que, encore une fois, c'est une figure littéraire aussi. Parce que c'est pas seulement ce que je veux montrer. C'est que c'est, c'est pas seulement la domination raciale sous sa forme institutionnelle, parce que souvent on dit c'est le racisme, c'est un système, c'est quelque chose de structurel. Et c'est le cas, effectivement. C'est pas seulement non plus le racisme des individus, parce que c'est aussi le cas, je veux dire, c'est aussi fait par des individus. Voilà. C'est quelque chose d'encore plus totalitaire, totalisant. C'est le mot pour dire une organisation morale du monde. Voilà, ce mot pour le dire, ça vient s'immiscer dans tous les replis de l'existence, dans l'âme, quoi, dans ce qu'on est au plus profond de nous. Et l'Empire, ça permet vraiment de... Ce mot, il m'a semblé que ça permet de dire ça. Et en plus de poser, effectivement... les bases d'un théâtre, d'un grand théâtre, donc d'un grand récit. Il serait le récit de la condition barbare, donc la condition des Noirs et des Arabes, qui serait, et je dis, un grand récit à dessein, parce que il me semble que chaque fois qu'il est question de nous raconter, on est raconté en étant rétréci, en étant ratatiné. Et alors j'ai toujours cette image que je redis ici parce que c'est très important pour moi, c'est l'image du trou de serrure, parce qu'il me semble que c'est toujours à travers un trou de serrure qu'on nous regarde, c'est-à-dire à la fois avec quelque chose de voyeur, donc c'est tout ce qu'on va dire va être retenu contre nous, en fait. On cherche à comprendre, à mieux savoir ce qui nous sommes, là où ça pêche et pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Donc c'est pour ça que j'égratigne un peu le regard sociologique, le regard de la sociologie qui cherche en fait à nous cerner, qui cherche à nous contenir, qui cherche à nous faire rentrer dans une grille de lecture analytique qui préexiste en fait, qui nous préexiste, qui est une manière de nous domestiquer de manière, et presque épistémologique, en fait. Et en même temps, dans cet espace dans cette formule du trou de serrure, il y a le côté intrusif. Il y a le côté... on veut voir le sordide chez vous. On veut voir le sordide. Et puis, quand on regarde dans un trou de serrure, c'est tout petit, voilà. On étouffe. Et alors, il me fallait trouver une formule, donc la barbarie, que je n'invente pas, par ailleurs. C'est important de le dire. C'est juste que je l'ai trouvée, en fait, en lisant. C'est pour ça que c'est un corpus sur lequel je me repose. Je l'ai trouvée dans la littérature, dans une certaine littérature, dans le rap, notamment. On va peut-être en discuter après. J'ai trouvé qu'il y avait un moyen, donc avec ce thème de la barbarie, de nous raconter en nous agrandissant. Et donc, en nous agrandissant comment ? En habitant le pli d'un récit ennemi. Parce que c'est le récit de la barbarie, donc, qui est d'abord une offense, une insulte qui nous est... Voilà, et dont on va se saisir, et qui va permettre justement, puisque c'est quelque chose de littéraire et pas d'analytique, qui va permettre de mettre en échec déjà tous les chefs d'accusation, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce que je veux dire. Parce qu'en même temps, c'est le territoire de notre complexité, de tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a un mot bascule, un mot seuil, et qui va faire que ça va créer ce fameux trouble du oui et alors. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter là ? Pourquoi ils sont en train de dire qu'il faut rester barbare ? Effectivement, il y a une dimension de la menaçante. Et on entend tort. C'est un attentat. Il y a quelque chose de menaçant et en même temps de charismatique. Je veux dire, c'est la classe de se raconter soi-même comme étant des barbares. Beaucoup plus que celle de « nous sommes des victimes de la domination raciale », qui est plutôt, il me semble que c'est plutôt vers là que va tendre les récits un peu sociologiques, quoi, qui se reposent sur la sociologie, donc qui va remonter toute la généalogie de nos mal-être, et qui par ailleurs pense toujours la question de notre condition et de nos mots, des mots dont nous souffrons, comme étant le fruit d'un manque d'intégration, en fait. C'est parce que nous ne serions pas assez intégrés, c'est parce que voilà, parce que la France, parce qu'en l'occurrence c'est la France dont je parle, mais la France n'aurait pas été assez tolérante, avenante, elle nous aurait pas assez laissé entrer, elle nous aurait pas assez accepté et que c'est de ça dont nous souffrirons. Or là, ce que je cherche à dire, c'est que, mais c'est précis, en fait, nous souffrons précisément de ne pas être assez des barbares. C'est-à-dire, nous souffrons précisément d'avoir été intégrés. Et ça, c'est important parce que ce que je tisse comme récit, c'est pas un récit de barbares pas intégrés, c'est un récit de l'intégration, vu de l'intérieur de l'intégration. Et donc, c'est à partir de là que devient pertinent et important d'essayer de réactiver cette histoire de la barbarie. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des barbares. C'est pour ça que c'est important de... Quand tu dis « vu de l'intérieur de l'intégration », tu veux dire « vu de l'intérieur des intégrés ». C'est ça, c'est-à-dire que moi quand j'écris ça, et quand je pense cette formule, quand je pense ma friche intérieure, qui est une espèce de nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu, toutes ces choses-là, là, qui sont au conditionnel, qui font peur, parce qu'on a l'impression que ça va réveiller quelque chose comme d'une question identitaire à l'intérieur de nous, qui sont des questions plutôt sales, normalement. Mais pourquoi vous posez ce genre... Vous devriez pas... C'est quoi, c'est cette recherche d'authenticité, bon, qui sont sales, parce que quand elles sont posées, quand elles ont été posées historiquement, c'est, en l'occurrence, elles ont donné lieu à des génocides, mais parce qu'elles ont été posées par la race blanche, en fait, par ce qu'on appelle la race blanche, quoi. Bon, nous, en l'occurrence, c'est pas de ça dont il est question, et c'est ça que je voulais montrer, c'est que nous, cette recherche d'authenticité, elle ne s'édifie pas, elle ne cherche pas à s'édifier. Elle cherche, en fait, à poser la question de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Elle ne recherche pas un retour au passé. En fait, ce retour au passé, il est opérant, il est utile que parce qu'il pose la question de notre résistance à ce que nous devenons aujourd'hui, en étant intégrés, justement. Et oui, ça, c'est quelque chose d'important à dire, que la figure du barbare, si je l'ai occupée, si je l'ai campée aussi, c'est parce que c'est une figure qui ne vient pas du passé. Alors, sa distinction, je l'ai fait des milliers de fois, bon, j'en peux plus, mais avec le sauvage, par exemple, qui me semble être une figure qui serait plus réactivée justement par le discours sociologique. Parce que voilà, le sauvage, c'est celui qui a des carences civilisationnelles, dont il est question, qu'il est question d'éduquer, qu'il est question de tisser à hauteur d'homme, de tisser à hauteur de la civilisation. Donc c'est une figure qui arrive avant la civilisation. C'est une figure du passé, ça, plus. Une figure de la victime, en fait, de la victime éternelle. Alors que le barbare, bah déjà, il vient pas après la civilisation. Il est le produit de cette civilisation, ce que nous sommes, effectivement. Mais pas que. Il est le produit de la civilisation plus autre chose. Plus autre chose qui aurait échappé, voilà, qui aurait échappé à l'œuvre civilisationnelle. À l'œuvre civilisationnelle, voilà, qui aurait échappé à la surveillance presque, et qui inquiète à la vigilance, c'est ça, de l'empire, et qui inquiète, et voilà, et c'est pour ça que c'est important de t'habiter ça, cette figure là, très trouble, voilà, au contour effectivement pas clair, mais en même temps, je le répète, c'est pas un essai analytique. Je suis pas chercheuse, je suis pas philosophe, je suis pas sociologue. Je suis ça, c'est-à-dire que pour moi, ma condition d'arabe, c'est tout ça. C'est à la fois, c'est entremêlé d'intime, de littérature, de militantisme, de politique, de toutes ces choses-là. Et j'ai écrit en justement dans cet entremêlement-là, sans chercher à essayer de le clarifier, en fait. Mm-hmm. C'est parce que c'est cet entremêlement qui en plus, est, je dis aussi souvent ça, c'est l'entremêlement, c'est quelque chose qui permet de montrer la nervosité de notre condition. Parce que voilà, un entremêlement, ça fait ça, c'est un point serré. Et se raconter comme ça, en étant encore vigoureux, vivant, pas complètement, pas comme un sujet d'étude décortiqué, élucidé, rendu inoffensif, quoi. Déconstruit. Déconstruit, encore pire, voilà. Excusez-moi, je me permets. Est-ce qu'on pourrait faire tous un tout petit effort, parce qu'il y a des gens qui sont dehors, je pense, qui n'entendent pas du tout. Et est-ce qu'on pourrait essayer, peut-être, je sais pas, là par exemple à côté de moi il y a une place, de les laisser rentrer, qu'ils puissent entendre ce qui se passe, tu vois. Que je vois des gens dans la rue, ils n'entendent pas ce qui se passe. Ma fille, moi, elle est avec vous. Et si on peut tous, voilà. Elle est pas repassée par ici en tout cas. Hein? Elle est pas repassée par ma ici. Ma fille, elle est où? C'est bon, elle mange? Désolé. Non, mais t'as raison, bien sûr. Et quelqu'un peut se mettre devant moi. T'as foutu le bordel, hein. Ça, c'est que le début. C'est la phase 1. On était bien. Voilà, c'est toi là. Assieds-toi là. Hop. Ça va? Samir, tu vas mettre de l'ordre maintenant. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, la conférence reprend. Merci. Par contre, ceux qui sont rentrés, il faudra consommer. Éventuellement, acheter un exemplaire du livre, bien sûr. Qui est en vente au prix modique de 10 euros. Et il est dédicacé ou pas? C'est possible. Pour 15, pour 2 euros. 5 euros de plus. Ouais, Samir, même quand il remet de l'ordre, il fout le bordel. On va continuer. Quand on parle de fric, quand on part, tu diras qu'on a besoin de soutien aussi. D'ailleurs, c'est ton chapeau qui va servir à ça. Exact. Donc, je vais conclure sur ce chapitre Rester barbare. C'est, l'image du point est très belle, mais c'est comme je l'ai dit au début, c'est pas vraiment défini, c'est pas vraiment décrit. C'est une espèce de fresque abstraite. Et je vous invite à lire pour peut-être en savoir plus. Au moins, on verra. Après, nous, on est très, très politisés, évidemment, mais c'est d'abord un livre d'une écrivaine. Donc, c'est littéraire, c'est de l'art. C'est esthétique. Oui, c'est monsieur, esthétique. Oui, madame. C'est des trucs que je ne maîtrise pas du tout, mais c'est ce que j'ai entre les mains. Donc, la barbarie, souvent, quand on en entend parler de la part des Noirs et des Arabes, après, on entend parler d'attentats, de tournantes dans les caves, d'excision de femmes, des trucs pas très chouettes, quoi. Ici, comme on a une œuvre littéraire et artistique, Louisa, elle nous parle après, elle illustre cette barbarie à travers les chapitres, en passant par des artistes, et on ne va pas tous les faire défiler, mais on va revenir sur ce qu'elle dit sur chacun de ces artistes et sur leur œuvre. Et je vais commencer par le chapitre suivant qui s'appelle « Noir tue blanche ». La conclusion, c'est que « Noir tue blanche », donc « Noir devient humain ». Et je ne vais pas plus dire... Enfin, je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais je vais simplement lire un passage qui m'a marqué. Et puis, je laisserai Louisa nous en dire plus. Donc, on arrive à un moment où il a commis son crime et il dit « Un salaud de nègre n'a pas d'autre moyen d'adhérer à la race humaine. Il comprend que ce qui l'empêchait d'être un humain aux yeux de la suprématie blanche, c'est précisément le fait d'avoir une morale et des principes. » Chester Himes opère ici un magistral retournement des valeurs. Le monde blanc est une pomme pourrie. Tout ce qu'il touche, il le contamine. Les non-blancs ne souffrent pas de ne pouvoir y entrer comme des petits vers. Ils souffrent justement de devoir croquer dedans et ce faisant de devoir opérer un détraquage en règle de toutes les valeurs profondes qui les habitent. De devoir abandonner leur âme car c'est elle, leur âme, qui résiste à l'intégration. Par leur monstre, par leur frustration, pas leur monstre, pas leur frustration ni leur ressentiment. Ce qui résiste, c'est leur conscience. Tout ce qui fait qu'ils tiennent désespérément encore un peu à leur beauté. Tu as mené une vie de chien parce que tu as une conscience. Ce n'est donc pas d'un manque d'intégration que l'ensauvagement est le nom, mais du processus intégrationniste lui-même. Tu n'étais qu'un nègre, mais en tuant une blanche, tu es devenu un être humain. En tuant cette femme, Jesse Robinson endosse le grand crime civilisationniste de l'homme blanc. Il peut ainsi prétendre au titre de civilisé. Il vend son âme à l'Empire et se livre à lui comme il se livre à la police. Tu avais alors l'âme emplie de ces bidules qu'on appelle principe, intégrité, honneur, conscience, foi, amour, espoir, charité, etc. Tu es ressorti par la grande porte, purgé, expurgé, et tu es un être humain. C'est la fin d'un primitif, le commencement d'un humain. Voilà, je te laisse. Ouais. Alors, je vais en profiter de... Parce que, alors, effectivement, c'est la... ce passage, il me semble, c'est le passage le plus stabilisé, au sens le plus clair dans la thèse qu'il pose de ce livre. Il y a une thèse, quand même, dans ce livre. Mmh. Non, c'est pas que un truc flottant, quoi. Il y a une thèse dans ce livre, et c'est l'intégrationnisme... Enfin, l'ensauvagement est un processus intégrationniste. C'est ce fameux retournement que je fais. Et alors, je disais que je vais profiter de ce moment pour me diriger vers Uriah Boutelja, parce que c'est en fait cette thèse, je l'invente pas. C'est une thèse qui m'a été inspirée par mes années de militantisme, etc. Mais surtout aussi par toi, que tu as théorisé des années avant. De manière aussi claire, aussi de cette manière-là, et notamment lors d'une intervention au Bandung du Nord, que je crois aussi être l'une des impulsions de la réflexion qui a mené à ce livre, au Bandung du Nord, qui était un truc sur les beaufs et les barbares, en gros. La rencontre des beaufs et des barbares. Et lors de cette intervention... Tu poses la question, est-ce que nous, les indigènes, ce qu'on appelle les indigènes, c'est les barbares, en fait, les Noirs et les Arabes, est-ce qu'on est des progressistes ? Et tu réponds bien, tu réponds non. Et tu montres, et tu fais une espèce de liste de tout, j'allais dire de toutes nos tares, quoi. J'allais dire de toutes nos tares. Voilà. Ben, en fait, non, ben, on est homophobe, on est antisémite, on est tout ça, je sais plus à quoi d'autre, on est sexiste. Bref, tous les trucs les plus, voilà, plus horribles. Et tu appuies ce que tu dis avec des faits, etc. Tu dis, bon, du coup, c'est un peu un problème, quoi. On n'est pas des progressistes. Bon, et là, c'est vrai que quand tu fais cette intervention, on est tous là dans la salle, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire, quoi. Il y a une espèce de... C'est quoi le saut périlleux qu'elle va faire pour... Et effectivement, tu fais un saut périlleux, une figure de gymnaste, magnifique. Et qui est, tu dis figure de gymnaste parce que c'est en fait c'est la barbarie, c'est ça. C'est ce truc-là du retournement, le mot bascule, le mot seuil. Et tu montres, de manière chirurgicale, que derrière chacune de ces barbaries que tu as énoncées, donc les barbaries, le genre, par exemple, homophobie, antisémitisme, etc., en fait, il y a une part de résistance qu'il faut savoir reconnaître et politiser justement pour neutraliser la part dévastatrice. Voilà, et ça c'est... Je crois que vraiment dans cette intervention, il y a tout le livre, toute la thèse, tout ce que tu viens de dénoncer de manière, pour le coup, plus explicitement politique et stratégique même. Peut-être que tu peux intervenir sur ça. Non. Non, mais parce que j'essaie de te faire parler aussi. Sinon, tu vas rester là comme ça. Non, mais j'étais d'accord pour faire la potiche. Hein. On s'en contentera pas. Bonsoir tout le monde. Salam, salam à tout le monde. Merci d'être là nombreux. Franchement, ça fait très plaisir de vous voir tous là. Alors tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé sympa. Ah non, c'est toi qui a dit il y a du monde dans la salle. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais je crois que c'est aussi parce qu'on a su garder notre part de barbarie que finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une curiosité, mais il y a un progrès politique qui fait que il y a un public qui ne va pas se contenter d'écouter ce qu'on dit à la télé et qui, au contraire, a lu. C'est documenté, ne s'est pas laissé avoir par la propagande et qui, pour le coup, est là pour échanger, pour écouter et peut-être pour qu'on avance tous ensemble, quoi. Je veux dire, c'est assez bigarré. Il y a de tout. Il y a des Noirs et des Arabes et il y a des Blancs. Donc, on est déjà les beaufs et les barbares dans cette salle. Voilà. Je sais pas exactement. J'avais envie, moi, de parler... De ma propre barbarie. En fait, toi, quand tu as retrouvé cette phrase de Kateb Yassin, je me souviens que je trouve superbe, hein, quand Kateb Yassin dit « En fréquentant les Blancs, il faut que je reste barbare. Je sens qu'il faut que je reste barbare, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que je vais m'intégrer en eux et que je vais disparaître, en fait. » Et moi, je me souviens... Et donc, du coup, pourquoi ça m'a beaucoup plu que tu aies fait ressurgir cette phrase ? C'est parce que moi, je me souviens très, très bien le moment où, la première fois, je me suis dit la même chose que Kateb Yassin. Il faut absolument que je reste barbare. Je dois rester barbare. Alors, je vais vous la raconter. C'est une anecdote qui est une toute petite barbarie. Mais c'est comme ça que je commence mon militantisme, en fait. Donc, c'était vers 2003-2004. Donc, on venait de subir à la fois... le 11 septembre, mais également l'affaire du voile en France. On était en plein dans l'affaire du voile. Et c'est à ce moment-là que je commence à militer, en fait, que je rentre dans des collectifs où il y a beaucoup de blancs, beaucoup de gauchistes, des gens tout à fait sympathiques, hein, puisque ce sont des gens qui se mobilisent pour lutter contre la loi sur les signes religieux, qui était, en fait, en France, une minorité. Et donc, moi, je venais... J'étais pas du tout politisée. Je venais d'un milieu complètement apolitique. Je pense que je l'étais, tout en ayant une conscience de post-colonisée, j'étais pas du tout politisée. Et donc, je rencontre le monde de la gauche blanche. Et donc, un truc très, très con, je rencontre un milieu qui féminise les mots. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, parce que je comprenais intellectuellement la question du sexisme, du patriarcat, pourquoi la langue, elle est sexiste, etc. Donc, tout le monde féminisait les mots. Je venais d'un monde où ça n'existait pas. Donc, je rentre dans ce monde-là. Mais ce n'est pas ça, le choc. Le choc, c'est de voir des mecs arabes, dans ce milieu-là, qui féminisent les mots. Alors, mon choc, c'est quoi ? Mon choc, c'est que c'est mes frères, c'est des gens avec qui que je connais dans ma vie sociale, c'est les gens avec lesquels j'ai grandi, qui ne sont pas capables de faire leur lit. Ils ne font pas leur lit, ils ne font pas la vaisselle, ils sont en milieu blanc, ils féminisent les mots. J'observe cette chose très curieuse. Je vois ce truc et j'ai juré, Wallah, jamais je féminiserai des mots. Je ne le ferai pas. Donc, 2 ans après, on fait les indigènes de la République et... Le Parti des indigènes de la République a l'honneur de vous dire qu'il n'a jamais rien féminisé. On n'a jamais féminisé les mots parce que ce que j'ai pu voir chez ces mecs, c'est que j'ai vu la force des Blancs, c'est-à-dire leur côté sorcier. C'est-à-dire, nous, ce qu'on est incapable de faire en tant que filles avec les mecs de notre communauté, eux, ils le font comme ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est du fake. Ils mentent. Ils jouent le jeu. Mais ils le font. Et donc, moi, je refusais ce mensonge. Et donc, par conséquent, voilà, cette phrase-là, je me souviens que quand tu l'as sortie, je me souviens parfaitement bien qu'à ce moment-là, j'ai dit, il faut absolument que je me sauve de ça, en fait. Moi, je vais me sauver de ça. Je refuse. Alors que les raisons intellectuelles, elles sont justes, elles sont bonnes. Je veux dire, j'ai pas de problème, je comprends parfaitement bien la mécanique qui arrive à ça. Mais je vois autre chose derrière ça. Je vois autre chose. Et le côté fake de l'intégration, je le vois également. Je sais que c'est du mensonge. Je sais qu'on se grime et qu'on est faux, en fait. Eh bien, rester barbare, donc le premier acte de rester barbare, c'était ça. C'était refuser de cette intégration particulière, par le féminisme et par tout ce que vous voulez, hein, je veux dire, peu importe le moyen, mais c'était ça. Et donc, au final, le geste des indigènes de la République, me semble-t-il, philosophiquement, ça a toujours été de dire faut rester barbare. Faut rester barbare. Et il faut creuser l'incompréhension. En fait, le simple fait d'avoir lancé comme ça « Nous sommes les indigènes de la République », ça pose des questions. Ça creuse l'incompréhension. On aurait pu dire « Nous sommes les citoyens, on veut lutter pour la citoyenneté. Nous sommes les citoyens de la République ». Bon, ça fait plouf. Les indigènes de la République, ça voulait dire « votre belle République, liberté, égalité, fraternité ben, », il y a des indigènes à l'intérieur. En fait, il y a des non-citoyens. Et ça, c'était quelque chose du régime de la vérité. Donc là aussi, on était dans... c'était ça, le rester barbare. Et tout le long des indigènes de la République, en fait, on a refusé de jouer, en fait. On a toujours dit la vérité. On a dit, donc, tu parles de l'homophobie, des... Non, on a toujours dit la vérité. On a dit, mais nous, on est homophobes. Si on dit qu'une société est structurellement homophobe, elle est structurellement raciste, elle est structurellement antisémite, eh bien, nous serons absolument tout ça. Et on ne va pas se cacher, on ne va pas vous dire le contraire. On va dire nous sommes tout ça. Il va bien falloir, faire avec nous, tel que nous sommes. Et on ne va pas vous mentir sur qui nous sommes. Nous serons ce que nous sommes. Et par conséquent, et donc là je poursuis, je vais très vite parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de rester barbare, mais dans mon livre, c'est un concentré de rester barbare. Et dans ce livre-là, effectivement, il m'a paru important, parce que c'était mon premier livre, et pour le coup, je tenais à y mettre tout ce que j'avais envie d'écrire et tout ce que j'avais appris pendant mes années de militantisme. J'ai tenu précisément à écrire des choses qui nécessairement faisaient de moi une barbare. Nécessairement. Fusiller Sartre, j'ai fusillé Sartre, je suis une barbare. J'ai écrit que je n'irai pas à Auschwitz, je suis une barbare. J'ai dit mon corps ne m'appartient pas, je suis une barbare. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien qu'il n'y a rien dans ce que j'écris qui peut même accélérer la rencontre avec les Blancs. C'est-à-dire qu'au contraire, je ne fais que creuser l'incompréhension. On pourrait presque penser qu'il y a ici un acte suicidaire. Qu'il y a ici un acte qui va vers la rue. On pourrait presque l'interpréter comme un acte qui va vers la rupture. Je n'irai pas Auschwitz. Pour les bonnes âmes blanches, c'est que la rupture. Je veux dire, quand tu dis ça, on n'a plus rien entre nous. Il y a un point de non-retour. On peut plus se parler. Eh bien, en fait, je le faisais en sachant que, au début, ça allait creuser l'incompréhension, mais que j'allais les retrouver plus tard. C'est pour se parler vraiment, quoi. C'est se parler vraiment. C'est-à-dire, en fait, jusqu'ici, vous avez toujours eu des gens qui vous racontaient, qui vous racontaient ce que vous aviez envie d'entendre. C'est-à-dire que nous, on devait se mentir à nous-mêmes pour vous faire plaisir, pour rentrer dans les normes, continuer à vous fréquenter. Voilà, à fréquenter les Blancs. C'est-à-dire pour être à la hauteur de ce que vous êtes. Eh bien, rester barbare, c'est juste donc dire la vérité et se poser en humain face à un autre humain. Et quand je vous dis que je n'irai pas aux Juifs, je sais pourquoi je le dis en fait. Mais il va falloir que vous fassiez le chemin pour arriver jusqu'à moi. C'est à vous de faire l'effort, en fait. C'est vous qui devez venir et comprendre pourquoi moi je vous dis que je n'irai pas aux Juifs. J'ai une explication extrêmement claire et extrêmement humaine. Très humaine. Mais il va falloir, si vous voulez aller vers l'humain, si vous voulez redevenir humain, eh ben, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je n'irai pas aux Juifs. Et ça a l'air horrible comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est tout le contraire. C'est vous qui m'obligez, qui obligez les gamins des quartiers en France, vous les obligez à aller à Auschwitz et donc à endosser votre crime. C'est vous les salopards. Et moi, je vous dis que je n'irai pas pour ça. Parce que vous êtes des salauds, en fait. Voilà, c'est ce que vous êtes. Et donc, voilà. Dans ce que tu dis, il me semble qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. C'est que tu dis, quand tu sais, toute la série de tes barbaries, là, tu dis, c'est un beau mot, hein, vous l'entendez, la série de ces barbaries. Toutes les barbaries, je sais, bon. C'est bon. Ça, c'est le côté littéraire encore qui ressort. Non, mais et donc ta série de barbaries, tu dis que ça crée l'incompréhension, ça crée la crainte en face, donc du monde blanc, etc. Mais que toi tu es au clair avec toi-même, tu vois. Et ça, en fait, c'est très bien, tant mieux, tu vois, pour toi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est tellement dans ce monde-là, on est tellement intégré dans ce monde-là, que lorsque on est traversé effectivement par ces mêmes barbaries, par des choses qui résistent à, voilà, en fait, on n'a pas confiance en nous-mêmes, on n'a pas confiance en notre propre moralité, c'est-à-dire qu'on doute de notre moralité. Quand tu dis ça, parfois ça me le fait encore, genre putain, j'ai peur, quoi, mais est-ce que c'est autorisé là de dire un truc pareil? Parce que j'ai l'impression que, parce que finalement, ils ont presque gagné, en fait. Et le rester barbare, c'est aussi une façon de dire, il ne faut pas douter de notre moralité. Même à l'endroit où, de manière très claire et très explicite, on a l'impression qu'on dit un truc horrible. Elle lui a dit, voilà, je n'irai pas à Auschwitz, je ne sais plus ce que tu dis, mon corps n'appartient pas, etc. Et bien, pour nous-mêmes, à cet endroit-là, quand on est traversé par ces choses-là, par des choses qui résistent aux normes et qui semblent moralement condamnables, il ne faut pas chercher à les chasser à tout prix, à éviter de... essayer à tout prix de montrer que non, effectivement, c'est pas vrai, on n'est pas traversé par ça. Parce que c'est ça, la défense majoritaire, c'est de dire, mais c'est pas vrai, on n'est pas homophobe, mais c'est pas vrai, on n'est pas antisémite, etc. Donc en fait, on se précipite pour se défendre, et comme on se précipite pour se défendre, on prend pas le temps et la peine de mettre à plat ce qui nous a traversé, effectivement, comme refus, et parce qu'on a peur de voir ce qui nous habite, en fait. Et du coup, comme on le fait jamais, on laisse ce truc pourrir à l'intérieur. Et je crois que s'il pourrit à l'intérieur, il peut effectivement devenir ça. Il peut effectivement devenir de l'homophobie, voilà, au sens propre, de l'antisémitisme, de tout ça, parce qu'il pourrit à l'intérieur, parce qu'on l'a pas laissé se raconter, on l'a pas laissé sortir au grand air. On s'est pas autorisé de le clarifier, de le rendre cohérent pour nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui va nous sauver, en fait. C'est pour ça qu'il devient important. C'est pas que pour créer ensuite le lien, etc. C'est aussi pour nous-mêmes, quoi. Pour nous sauver nous-mêmes. Parce que toute cette série de... Tu disais, les mecs qui font ça, là. Mais ça les rend fous, en fait. Ouais, mais ils sont fous, bien sûr. Ils sont fous, voilà. Mais... Pardon, ça les rend fous. Non, mais ça rend fou. Ça veut dire qu'on peut vraiment devenir fou. Voilà. Merci.